Au large de Saint-Malo, il y a une île au large, quelques centaines de mètres, pas très loin. Une île qui s'appelle le Grand B. On l'appelle comme ça parce qu'il y a aussi juste à côté le Petit B. Ça permet de les distinguer. Mais Grand B, c'est beaucoup dire, parce que plutôt qu'une île, il faudrait parler d'un îlot. C'est pas bien grand, c'est inhabité. Il y a une forteresse. Un fortin plutôt. On y envoyait parfois des gens qui étaient en quarantaine, et puis il y avait évidemment aussi de temps en temps des garnisons, parce que ce genre d'îlot permet de garder le port. Et ce qu'il y a de particulier avec le Grand B, c'est que on peut y accéder à pied à marée basse. Et une fois la marée montante, l'îlot devient inaccessible à part par bateau. Et ce va-et-vient de marée, elle transforme en bout de terre ou en bout d'îlot détaché de la terre. Ça fait évidemment référence à ce vers d'un poète de mes amis qui s'appelle Hrafn Haraldsson, poète islandais que j'avais rencontré à Ventspils, et qui disait: All islands are connected by the bottom of the sea. Alors, on a beau dire que les îles, c'est une mythographie sur le fait qu'elles soient détachées du continent, détachées les unes des autres, mais Haraldsson, lui, qui venait lui-même d'une île, puisqu'il était islandais, lui voyait le lien par en dessous. Alors, sur le Grand B, ce n'est pas un écrivain islandais, c'est un autre écrivain qu'on retrouve. Mais on retrouve son tombeau. Il y a un écrivain qui est enterré au Grand B. Et cet écrivain, c'est Chateaubriand, qui a sa tombe. Il a voulu être enterré là-bas. Et visiblement, ça a été exaucé, contrairement aux volontés de, je ne sais pas moi, Georges Brassens, qui voulait être enterré à la plage de Sète. Ou un François Mitterrand qui voulait se retrouver à côté de Vercingétorix, à Bibracte. Alors pour eux, ça ne s'est pas fait. Mais pour Chateaubriand, c'est le cas. Il repose sur le Grand B. Il y a son tombeau. Et en plus de son tombeau, il y a, enfin, disons, sur son tombeau, on va retrouver une plaque. Et sur cette plaque, voici ce qui est inscrit. Un grand écrivain français a voulu reposer ici pour n'y entendre que le vent et la mer. Passant, respecte sa dernière volonté. Si on respecte sa dernière volonté, ça donne ça. Mais je ne suis pas sûr de vouloir respecter sa dernière volonté. Je n'ai pas d'antipathie particulière pour Chateaubriand, pas de sympathie non plus. Mais cette espèce de culte des grands hommes m'a toujours fatigué. Et ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Grand B. Sur le Grand B, on peut s'y faire prendre à marée montante. C'est un lieu que j'aimais aussi. Et il n'y a aucune raison de respecter les dernières volontés d'une personne plutôt que d'une autre. Je pense que sur d'autres îlots fortins, par exemple Kronstadt ou Gorée, on n'a pas respecté les dernières volontés des gens qui y reposent. Alors Chateaubriand, le Grand B, non. Non.